l'histoire de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Deux bonnes heures de rock progressif devant vous. Et ce soir, on commence avec un groupe italien, ou enfin, plutôt un projet italien qui a pour nom Oscillazioni Alchimico Creative. En fait, c'est le projet du multi-instrumentiste Jerry Cotillo. C'est dur de dire, c'est que sa discographie est assez... Comment je pourrais dire, complexe, mais on peut dire que c'est son quatrième album à être paru depuis 2015. En 2015, c'était Vian Danze. Je pense qu'en 2018, c'est l'album qui l'a vraiment fait connaître, Giordano Bruno. En 2020, il y a eu Nine Witches Under a Walnut Tree. Et là, le petit dernier a pour titre Lucid Dreaming and the Spectre of Nikola Tesla. Comme je vous le disais tantôt, c'est un multi-instrumentiste, donc c'est lui qui assure clavier, guitare, flûte et chant. Et on a quelques invités, dont David Jackson, qui est un habitué. Il travaille beaucoup avec Jerry Cotillo. Et on retrouve aussi à la basse Jonathan Noyce, un ex-bassiste de Jethro Tull. Et Marc, après, je pense qu'on a des bonnes nouvelles du côté de l'Ukraine. Oui, il s'agit de la nouveauté de Anthony Kalugin, qui vient de nous faire paraître un nouvel album, Rebirth. C'est surprenant de voir à quel point ce musicien est prolifique. Et donc, de cet album-là, on aura la pièce Planets, et ce sera suivi du nouvel album de Dario and the Clear. Il s'agit ici du musicien Dario Saraceno, qui est italien d'origine et qui est émigré au Royaume-Uni. Alors, c'est l'album Reflective Touch. Il y a beaucoup de guitares dans ça. Il y a des musiciens invités, dont un des membres fondateurs de la formation Crack the Sky, Gabriel Marin. Alors, on aura la pièce titre de cet album, Reflective Touch. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de Oscillazioni Alchemico Creative. Thank you. street. Rock and crowd curry, that's from fear. The efforts moved again. Watch your action, shouts a man. You're for goddamn providence to prevent USA. We'll be right back.

est rempli. On va faire ce qui paraît impossible. On a une longue route devant et peu de temps pour arriver. Direction est sur la route des vilains. Ici l'oiseau sirois, vous écoutez CKRL 89.1. Les contes sur le parvis sont de retour à la Maison de la littérature. Les samedis et dimanches 20 et 21 août en après-midi, les conteurs Christian Lalonde et Maxime Plamondon s'alternent pour vous en conter des bonnes. Passez à l'heure qui vous plaira pour découvrir leurs histoires fascinantes. Les contes sur le parvis, un événement extérieur gratuit à la Maison de la littérature. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va poursuivre avec Carfagen, formation ukrainienne, qui a présenté cette année son album Land of Green and Gold. Eh bien, cette fois, c'est un disque qu'on retrouve en bonus avec l'album Rebirth de Anthony Kalugin et qui a pour titre Land of Green. Et puis, on aura aussi de San Diego, une formation que j'ai découvert récemment et que j'adore, Burt. L'album a pour titre Born et on va écouter la pièce For Yesterday. Et puis, par la suite, Marc, je pense qu'on se rend du côté du Royaume-Uni. Oui, en effet, on aura un premier extrait de l'album posthume de David Langdon, qui était le chanteur de Big Big Train, dont la parution est prévue pour le 14 octobre prochain. Et qui a pour titre Door One. Alors, il travaillait déjà depuis un certain temps sur cet album, et d'ailleurs, même le soir où il a eu son accident, il revenait des studios où son album était prêt à 90%. Donc, on aura un premier extrait de cet album intitulé Watch It Burn, et ce sera suivi de la formation Join the Din, qui a été fondée à Londres en 2018, et c'est leur second album, Elephants in Autumn Range, qui est paru à la mi-juillet. On aura la pièce Red Room. Mais tout d'abord, comme vous disait Michel, on débute avec la nouveauté de Carfagen, suivie de la formation Birth, qui comprend des membres qui étaient dans la formation Astra. Alors on y va tout de suite en musique avec Carfagen. Thank you. Live for yesterday. entrance, no path you choose. Too busy drowning out your blues. Glass half empty, even when it's full. You said what you did for us. God knows what fueled your mistrust. What we had was not enough for you. It seems what we had was not enough for you. We are done and gone, with no chance of return. Do you remember when we'd sit and watch it burn? Such a hard lesson to learn. In spite of all we had, we'd sit and watch it burn. We'd sit and watch it burn. I want you to know I still hold you to everything you did and didn't do when you were cruel, and you were so cruel, but I was cruel too. We are done. Thank you. CKRL 89.1. CKRL 89.1. Salut, je m'appelle Zita Bombardier et je suis animatrice d'univers francophone et de première loge ici même à CKRL. Ça fait déjà 3 ans que je fais partie de la famille et j'ai vraiment passé par toutes les étapes. J'ai commencé en tant que chroniqueuse. Ensuite, je me suis retrouvée à couvrir le Festival d'été de Québec avant qu'on m'offre l'émission Univers francophone. Et je suis très, très choyée, très reconnaissante, surtout à donc, cette belle équipe-là, d'avoir cru en moi, de m'avoir offert cette belle opportunité et d'être toujours présente, d'être toujours là. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation multinationale qu'on aime beaucoup et une formation italienne. Alors, cette formation multinationale, c'est The Samurai of Prague qui viennent de faire paraître de Spaghetti Epic numéro 4. Alors, ce soir, on aura un extrait de la pièce La Ressa dei Conti, qui veut dire La Confrontation. Et c'est une pièce composée, paroles et musique, par Alessandro Di Benedetti. Et c'est Stefano Galifi qui est le chanteur, celui qui était chanteur de Museo Rosenbach. Il y a également Marco Bernard, évidemment, Kimmo Porsti à la batterie, Marcel Singol à la guitare et Sarah Traficante à la flûte. Alors, on aura un extrait de cette longue pièce, une pièce de 20 minutes, on en aura une partie. Mais tout d'abord, Michel, pour débuter le bloc musical, une formation italienne contemporaine excellente qui, en 2020, en a surpris plus d'un avec le retour sur disque après plusieurs années. Oui, la Maschera di Cera qui nous a présenté en 2020 son album S.E.I., ce qui signifie le Separazione Egolatria Inganno. Donc, en français, séparation, égolatrie et tromperie. C'était le 7e album studio du groupe et le groupe n'avait rien présenté depuis 2013. Donc, 7 ans après, et c'était deux disques la même année, mais c'était le même en version italienne et anglaise, Les Portées d'Eldomani et The Gates of Tomorrow. C'était une suite imaginé par Fabio Suventi au classique Felona et Sorona de Liorme. Pour ce retour en 2020, mais le groupe finalement s'est révélé être un triumvirat, c'est-à-dire Alessandro Corvaglia au chant et Agostino Macor au clavier et Fabio Suventi à la basse. Il y avait comme invité à la batterie Paolo Tixi ainsi que Martin Grice au saxophone et à la flûte. Et on y va avec un extrait. C'est la pièce Vacuo Senso. We'll be right back. che ci fai tu qua? Vengo dal mondo, fuori ricorderai, c'è la realtà, sì. Yeah.

Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Karine Ladoyen de la compagnie Danse Cas par Cas. Vous écoutez CKRL 89. Pour la vie, c'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura un groupe des Pays-Bas, la formation Leap Day, et un extrait de leur album From the Days of Deucalion Chapter 1, paru en 2013. Ils ont réalisé le Chapter 2 en 2015, puis en 2018 l'album Time Lapse, et leur plus récent Treehouse est paru en 2021. Alors, on aura la pièce Insect, mais tout d'abord, Michel, on débute le bloc musical avec une formation italienne des plus originales. Oui, une formation qu'on apprécie d'ailleurs tous les deux, et c'est Homunculus Res, une formation sicilienne active depuis 2013 avec 4 albums à son actif, un groupe influencé par la scène Canterbury britannique. On va écouter un extrait de son 3e album Della Stessa Sostanza di Sogni, paru en 2018. Mentre ero lì, allo specchio in bagno io, mi toccavo con la lingua un dente, poi guardavo giù e vedevo il dente nel, la

that wooden statues of the insect domination. Bass strip, nothing less, touched by the evil eye, leaving the green lands to die. Flies will come by. Cause they are much quicker than your eye. Aphids come by, crawling caterpillars, grasshoppers, they jump up and high, high in the sky. Fox on his ends and soil, why do they touch it? God knows why. Flies will come by. Was it a punishment or an environmental law? Ce soir, en guise de conclusion, on vous laisse avec un extrait d'un album en concert du groupe Alpha Taurus. C'est l'album Live in Bloom, qui est paru en 2012. Ce sera la pièce La Mante Vola. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.